nous amener en douceur vers l'ère moderne. Dessiner les contours d'une société nouvelle. Un endroit où l'envie nous gouverne. Tous embarqués sur la même caravelle. Et à qui faire confiance, à qui cacher ses peines. À qui confier ses secrets sans qu'il ne les révèle. La vie est une question ici et à voir où elle mène. J'ai peur qu'elle ne fournisse qu'une réponse artificielle. Que de fou la terre est pleine. Je ne saurais le dire. Que la réalité est cruelle. Je n'ai pas su l'écrire. Que de fou la terre est pleine. Je ne saurais le dire. Que la réalité est cruelle. Je n'ai pas su l'écrire. Mr. Government Man, give us work to do. Yeah, yeah, yeah. Mr. Government Man, pay us what we due. Yeah, yeah. You just can't have us like robbing a barrel. No, no, no, no. And to mouth just can't work out. And to mouth just can't work out. People now, free up the people, Mr. Government Man, give us work to do, Mr. Government Man, pay us what we do, oh, oh, oh, you just have the people on the bandage, you want them to have them like sandwich. Now and free, free, free all the people now, yeah. Mr. Government Man, give us work to do, yeah, yeah, yeah. Mr. Government Man, pay us what we do. You just can't have us like robbing a barrel. No, no, no. Just can't work out. Je n'ai pas trouvé la mélodie qui porterait ce triste appel aux ouïes du monde en folie et sonnerait son grand réveil. Je n'ai pas pu polir ces vers hargneux mais pleins de sentiments, de poésie mais de colère et de mes grincements.